Chapitre 2e. Coup d'œil rétrospectif. Les dignes paroissiens de Littlewood, dans le comté de Sussex, pouvaient parfaitement se souvenir qu'un certain capitaine Walsingham, appartenant au service de la Compagnie des Indes orientales, était venu au village rendre visite à Sir Reginald 8 années auparavant. Ils pouvaient se souvenir de son visage plein de fraîcheur, de ses manières gracieuses et de sa tournure militaire, du bruit de ses éperons quand il arpentait le rude pavé de la longue rue du village, du sifflement de sa cravache qu'il balançait sans gêne dans sa main, et du brillant de sa fière moustache noire. Le capitaine servait dans un régiment de cavalerie. Son sourire amical pour les petits enfants lorsqu'il s'approchait de lui pour admirer le bel officier, sa voix cordiale quand il s'arrêtait devant le Lion d'Or pour voir entrer la diligence de Londres, ou quand il fallait chez le maréchal ou chez le vétérinaire pour demander ce qui blessait au pâturon son cheval de chasse Dragon, n'était pas oublié. C'est un galant et noble gentleman, de beau visage, au cœur généreux et au franc-parler, pensaient les habitants de Littlewood. Il se souvenait aussi comment il était tombé follement, désespérément, stupidement amoureux de Miss Claribel Morton, héritière, orpheline d'un riche négociant des Grandes Indes, demeurant à Littlewood, sous la tutelle de sa tante, vieille fille, sœur de l'ex-recteur de la paroisse. Il se rappelait cette amourette, parce que le capitaine Arthur Walsingham, qui n'était en aucune façon le plus discret des hommes, avait eu au moins 20 confidents. Il avait menacé un grand nombre de fois de se brûler la cervelle ou de se noyer si on n'acceptait pas son amour. Martine, son domestique, excellente créature, avait dit à la servante du Lion d'Or qu'il avait caché les pistolets de son maître et qu'il regrettait seulement de ne pouvoir en faire autant de la rivière. Le capitaine Walsingham s'était montré bruyant, mauvaise tête et indiscret dans son amour pour la belle héritière aux blonds cheveux, aux manières enfantines et pleines de langueur. Le capitaine avait juré, menacé et protesté lorsqu'on l'avait accusé de la rechercher pour sa fortune, et il avait prié qu'on la lui donnât sans un sou et qu'on dotât un hôpital avec les millions du vieux Morton. Tous les Littlewood avaient su cette petite histoire d'amour. Tous les Littlewood s'y étaient vivement intéressés et tous les Littlewood en avaient pleuré. Chaque rendez-vous secret dans les vastes plaines ou sur les grands coteaux abrupts qui encaissent le petit village était connu et commenté. Chaque soir qu'il passait devant le jardin de la tante pour voir la faible lueur de la veilleuse à travers les jalousies de la fenêtre, chaque lettre passée en fraude par les femmes de chambre, la guinée que le capitaine avait prié le forgeron de couper en deux et dont les amants s'étaient partagés les fragments, les terribles scènes entre l'amoureux et la tutrice de la jeune miss, toutes ces choses étaient ouvertement discutées au thé de Littlewood, discutées par les jeunes femmes qui trouvaient le beau capitaine beaucoup trop bon pour cette niaise et sotte créature. C'est avec ce peu d'égard qu'elle désignait Miss Merton. Par les vieilles femmes qui affirmaient positivement qu'il ne voulait qu'à son argent. Par les jeunes gens qui révéraient le soldat indien et avaient foi en lui. Par les célibataires à tête grise qui le traitaient de fou à cause de sa passion bruyante et indiscrète. Tout le monde enfin brodait sur les prétentions d'Arthur Walsingham et pesait ses mérites. Je crois que la seule personne qui demeura réellement tranquille dans cette affaire était la jeune héroïne de ce drame sentimental. Claribel Morton ne fit pas d'aveu et ne choisit pas de confident. Jamais on n'apprit qu'elle eût fait une scène ou qu'elle se fût évanouie au pied de son inexorable tutrice, ou bien qu'elle eût été surprise en flagrant délit de réponse aux brûlantes épîtres de son amant. Il y avait des rendez-vous, il est vrai, sur des coteaux retirés, mais on les supposait être, pour ce qui la concernait du moins, tout à fait accidentel. Le capitaine avait rôdé autour de la maison et l'avait suivie en la voyant sortir seule. En un mot, on parlait rarement d'elle, dans toute cette affaire. Belle et pâle, avec de longues boucles blondes, brillantes qui formaient une auréole d'or autour de sa tête gracieuse et penchée, elle affrontait les regards de tous les Littlewood, tous les dimanches matins, dans l'église du village, et personne ne vit jamais son visage passer du rouge au pâle ou du pâle au rouge, sous le regard brûlant d'Arthur Walsingham, qui rongeait la reliure de son livre de prière aux places non réservées. Il avait beau rester, pendant tout le temps qu'on chantait les psaumes, assis le coude appuyé sur la barre de bois qui était devant lui, en regardant fièrement Claribel, l'air hagard, l'œil creux et vitreux, et sans être rasé. Il avait beau se précipiter dehors au milieu du sermon du ministre, en faisant craquer ses bottes et résonner ses éperons sur les dalles du saint édifice. Il avait beau déranger chacun des membres de la congrégation, il avait beau, en faisant tout ce fracas, attirer l'attention des enfants de charité, au point que les jeunes personnes prononçaient par mégarde le mot de misérable Walsingham, dont les répondent des litanies. Quoi qu'il fît, il ne pouvait pas arriver à troubler le calme de la jeune miss. Quand le sermon était terminé, que la bénédiction avait été donnée, que l'organiste avait joué un des trois morceaux de son répertoire et que l'assemblée se retirait lentement, Miss Merton prenait le petit sentier du cimetière, passait devant le capitaine assis sur un tombeau d'où il regardait d'un air désespéré son ombrelle. Si par hasard sa robe de soie le touchait, ce qui le faisait trembler de tous ses membres, elle ne s'en apercevait même pas, et ni la surprise, ni l'émotion, ni l'embarras, ni l'ennui, ni l'amour, ni la commisération n'était visible dans ses yeux bleus si calmes. Vous me croyez fou parce que je suis fou d'une poupée de cire, s'écria le capitaine à Leslewood Park, un soir qu'il avait bu plus que de coutume, et que le baronnet et ses autres camarades l'avaient plaisanté sur sa passion ridicule. Je sais aussi bien que vous que c'est une fièvre d'écolier, mais cela importe peu si j'en meurs. Mais si Miss Claribel Merton avait, ainsi que le déclaraient ses ennemis, bien des rapports avec les jolies images aux yeux bleus et aux cheveux blonds qu'on trouve chez les marchands de jouets, elle n'en était pas moins une héritière et une fort charmante femme, et que ce fut pour cette raison, ou à cause du bruit causé par le furieux empressement du capitaine, je ne pourrais le dire. Toujours est-il que 6 semaines après l'arrivée de l'officier indien à Leslewood, elle devint à la mode. Et eût-elle été laide comme les 7 péchés capitaux, elle eût pu épouser le plus bel homme de la paroisse, et pauvre comme Job, épouser le plus riche. Elle aurait pu être bête à faire plaisir, et ignorante au-delà de toute supposition. Elle aurait pu être rousse ou même bossue, étant à la mode, elle aurait été courtisée, suivie, flattée, admirée, poursuivie et recherchée de tous. Elle avait été tout d'un coup marquée de ce sceau merveilleux, et des gens qui ne se souciaient pas d'elle le moins du monde se mouraient du désir de l'épouser. Ce n'était pas elle qu'ils voulaient, mais sa célébrité. Ils avaient bien soin de s'accrocher à sa réputation et d'en partager l'éclat et le bruit. Elle était aussi à la mode au village de Leslewood que l'est à Londres l'homme qui vient d'écrire un roman sur les classes laborieuses ou celui qui vient d'être jugé pour avoir commis un meurtre. C'était une rage, et 2 mois après l'arrivée du capitaine, Sir Reginald Leslewood, qui n'avait jamais rien désiré que pour le plaisir de l'enlever à un autre, lui offrit sa main, et après un court délai, grâce à l'instigation de sa tante, il fut accepté. C'est alors qu'eut lieu une scène terrible sur le sommet du coteau appelé Beecher's Ride. Ce fut alors que le capitaine, n'arrivant pas au château à l'heure du dîner, on avait envoyé Martin, son valet, à sa recherche, et que celui-ci, s'étant instinctivement dirigé vers le coteau, avait trouvé son maître étendu sur l'herbe mouillée, dans l'ombre, et plongé dans une sorte de torpeur. C'est alors que le soldat avait voulu se battre avec son hôte, Sir Reginald, et qu'il y avait eu une dispute effroyable entre le prétendu repoussé et le prétendu accepté. Dispute qui n'avait eu d'autre résultat que le départ du capitaine, lequel avait quitté le château de son rival en souhaitant à son ennemi qu'il peut être heureux avec son insensible fiancée. Puis, galopant comme un fou par les rues du village, il s'était rendu à India House, où il avait prié qu'on l'envoyait quelque part où les ennemis de son pays auraient assez de commisération pour le tuer. À Leslewood, on se demandait si, après tout ce qui était arrivé, Claribel Merton était fâchée d'avoir consenti à repousser cet amoureux et cervelé. Comme de coutume, on ne peut rien lire sur son visage. C'était en tout temps un visage qui ne révélait pas ses secrets. Parfait de lignes, mais indéchiffrable, énigmatique et presque sans expression. Elle avait épousé ce Reginald sans l'aimer, aussi passivement qu'elle avait pris des leçons de musique sans avoir d'oreille et des leçons de dessin sans avoir la moindre disposition pour la forme et les lignes. Tout ce qu'on lui disait de faire, elle le faisait. Elle aurait épousé le capitaine sur son ordre, étant tout à fait incapable de résister à l'influence d'un esprit plus fort que le sien, si elle n'eût été arrêtée par la contre-influence de sa tante, qui, par la force d'une longue habitude, était encore plus puissante que lui. Elle était entièrement à la merci de ceux qui la dirigeaient et la conseillaient. Elle voyait avec leurs yeux, pensait avec leurs pensées, et parlait en employant leurs expressions usuelles. le capitaine pouvait être aussi franc que le jour dans son amour et dans sa loyauté, mais s'il leur plaisait de le traiter de fourbe, elle aussi finissait par douter de lui. Elle lui disait son mot cruel avec sa voix basse et douce, qui n'était que la simple répétition des phrases débitées par sa tante. Sans gouvernail, sans ancre, elle était à la merci de tous les vents. Après 2 ou 3 jours de persécution, elle consentit à refuser le capitaine et à épouser le baronnet. Et avant que le vaisseau qui emportait le capitaine et les troupes placées sous ses ordres eût touché Malte en se rendant aux Indes, les enfants du village parsemaient de fleurs le sentier qui devait suivre Sir Reginald et Lady Leslie. 8 années s'étaient écoulées depuis la brillante matinée d'octobre où Claribel Merton avait donné sa main au jeune baronnet. Et avant leur expiration, Sir Reginald Malvin Bernard Leslie avait pris part à une autre cérémonie dans la même église de village. Cette fois, ce fut une part bien tranquille, car les restes mortels du jeune homme reposaient dans un cercueil recouvert de draps, orné de ses armes en argent, de ses initiales en relief, sous le volumineux velours du lourd poil que portaient les meilleurs gentlemen de Leslewood. Il y avait une plaque de marbre et de porphyre toute neuve, sous les statues rongées par les vers du chevalier Marmaduke Leslie, honoré serviteur de sa gracieuse majesté Elisabeth, et de Martha, sa femme, agenouillés en face l'un de l'autre, séparés par un coussin en marbre. Cette nouvelle plaque indiquait que Reginald Malvin Bernard, fils d'Oscar, dernier baronnet, était enterré sous cette voûte auprès de l'autel où reposaient les cendres de ses nobles aïeux. Sir Reginald était mort d'un affaiblissement précoce qui avait fatalement frappé la maison de Leslie. Depuis 3 générations, les chefs de la famille étaient morts avant d'avoir atteint leur 30e année, ne laissant que des fils uniques pour hériter de leurs titres et de leurs biens, de sorte que s'il était arrivé à Sir Reginald de mourir sans enfant, un parent très éloigné, amateur de musique et de peinture, résidant à Naples, aurait succédé à la baronnie. Mais Sir Reginald, comme son père et son grand-père avaient fait avant lui, laissait un fils unique, enfant âgé de 6 ans, pâle et délicat, qui ressemblait à sa mère au physique et au moral. Comme elle, douée sans volonté, comme elle, privée de brillantes qualités et de force de caractère. Sir Reginald et Lady Leslie n'avaient pas été des époux malheureux. Sir Reginald était amateur de sport, de chevaux, de chiens, de tirs, de courses, enfin de tous les amusements si chers aux gentlemen qui ont beaucoup d'argent à dépenser et peu de choses à faire. Il avait une ferme et faisait l'essai de nouveaux systèmes de culture qui lui coûtaient énormément, sans jamais lui donner le moindre résultat. Mais cela l'amusait, et il menait sa jeune femme à travers les terres labourées et les prairies, par la pluie ou le soleil, pour voir ses expériences agricoles sans qu'elle fît la moindre opposition. Quelquefois, il faisait courir et tous les soldats s'animaient par la présence de chevaux de course et des garçons d'écurie. Mais il devait se fatiguer de ce plaisir comme de toute chose. Et un beau matin, tout l'estimable matériel de course, propriété de Sir Reginald Leslie, y compris Claribel, le vainqueur des courses de Leslewood, etc., etc., se virent annoncés et mis en vente dans les colonnes du Bell's Life. Avec le temps, tout le fatiguait, tout l'ennuyait, et il semblait qu'il finît par dépérir, parce qu'il ne trouvait plus rien à entreprendre. Claribel était douce et d'humeur facile, sinon affectueuse. Elle l'accompagnait quand il lui plaisait de voyager. Elle buvait des eaux nauséabondes à Spa s'il lui demandait d'en boire. Elle parcourait avec lui les galeries de peinture de Flandre et d'Italie, ne connaissant rien ni aux unes ni aux autres, prenant un Titien pour un Teniers ou un Salvatore Rosa pour un Rubens. S'il lui avait demandé de gravir le Mont Blanc, elle eût entrepris bravement l'ascension jusqu'au sommet, bien qu'elle dût y mourir. Ce n'était pas une vertu que cette obéissance tacite, que ce consentement souriant. C'était plutôt l'indolence d'un tempérament lymphatique. Tout lui coûtait moins que la résistance. Elle l'écoutait quand il parlait. Elle lui lisait à haute voix, pendant les soirées d'été, les descriptions des boxes et des combats dans le Bell's Life, bien qu'elle ne comprît pas un seul mot de ce jargon spécial. Elle prenait place dans son phaéton traîné par ses poneys pour aller à quelques courses du comté, quoiqu'elle ne reconnût point le vainqueur en le voyant, et qu'elle se souvint à peine des noms des chevaux de son carnet. Quand il tomba malade, elle le soignait avec tendresse et patience. S'il était emporté, elle supportait ses emportements. S'il était abattu, elle faisait de son mieux pour le consoler. Et quand il mourut, elle éprouva du chagrin à sa manière. Elle quitta Leslewood immédiatement après les funérailles et alla se cacher dans une ville d'eau, sur les côtes de Sussex, avec son jeune fils et sa femme de chambre. Sa grande et luxueuse maison l'effrayait, avec ses splendides chambres où la mort était entrée si récemment. Elle tremblait à la vue des sombres allées du parc. Sa tante était morte un peu après son mariage. Elle n'avait pas de parents et très peu d'amis. À peine avait-elle au monde une seule créature à laquelle elle put donner ce nom. Cependant, elle aimait passionnément son fils, et elle se dévoua entièrement à lui. Pensait-elle au beau capitaine maintenant qu'elle était libre? Cela put lui arriver quelquefois, et il se peut même qu'une partie de sa douleur vint de songer combien elle l'avait blessé et torturé ce noble cœur 8 années auparavant. Elle ignorait s'il était mort ou vivant, et il n'avait aucun moyen de s'en renseigner. Sir Reginald n'avait jamais prononcé le nom de son ami après la querelle qui les avait séparés. Elle n'osait pas penser à lui. Cela lui semblait d'une mauvaise femme et d'une créature sans cœur. Pendant que la plaque était encore toute neuve à l'église de Littlewood et que les initiales de son cercueil étaient à peine ternies dans le caveau sous l'autel, elle partit avec son fils et sa femme de chambre. Elle fit voir à l'enfant les grandes et sombres cathédrales qu'elle avait visitées avec son père. Elle le conduisit à Anvers, à Cologne, à Bruxelles, à Munich, et après 6 mois de voyage d'une ville à l'autre, elle revint à Littlewood. Le lendemain de son arrivée, elle revit Arthur Walsingham à l'endroit même où elle l'avait quitté 8 ans auparavant.